Chapitre 4. Le crime. Depuis le moment où se passa entre M. Pomereul et son fils la scène terrible que nous avons racontée, Xavier s'était renfermé chez lui. L'idée de rentrer au cercle sans payer sa dette lui semblait insupportable, et il connaissait trop bien ses amis pour espérer trouver dans leur bourse la somme dont il avait un impérieux besoin. Seul dans sa chambre, Xavier s'abandonnait à des accès de rage sourde, se traduisant parfois par des exclamations dans lesquelles il eût été facile de reconnaître des menaces. L'abbé Sulpice demanda à le voir. Xavier lui fit obstinément refuser sa porte. Il savait bien, cependant, que le jeune prêtre n'ajouterait point à son angoisse et s'efforcerait au contraire de l'adoucir. Mais au lieu de lui savoir gré de sa mansuétude, il la regardait à cette heure comme un dédain déguisé. Il se révoltait surtout à la pensée que l'abbé Sulpice pouvait avoir de l'argent dans sa caisse et que cet argent, son frère, ne le lui donnerait pas, sans comprendre ce que lui avait dit son père, que la pension de Sulpice était le patrimoine des pauvres. Aveuglé par ses passions, troublé par des nécessités impérieuses, il ne comprenait pas qu'il fût au monde d'hommes plus malheureux que lui, qu'il existât des situations plus intéressantes que la sienne. Il se trompait d'ailleurs. Toutes les économies de l'abbé Sulpice avaient été dépensées la semaine précédente pour sauver de la faillite un honnête père de famille. Et puis, si dans son austère équité, le jeune prêtre reconnaissait avec Antonin Pomereul que toute dette, même une dette de jeu, doit être intégralement payée, il eut avec celui-ci trouvé juste que le jeune homme la soldât par annuité. N'avait-il pas employé ce mode pour des paiements autrement sacrés? Sulpice aurait cru commettre une faute et se rendre le complice de Xavier en lui fournissant le moyen d'avancer encore dans une voie mauvaise. On ne pouvait sauver Xavier qu'en laissant s'effondrer sous ses pieds le navire aux planches pourries qui le portait à la dérive. Bien résolu à user de son influence sur son père, pour adoucir plus tard la situation du prodigue, il croyait utile de lui faire à cette heure mesurer la profondeur du gouffre dans lequel il était prêt à tomber. Et pour cela, il lui paraissait bon de le laisser en proie aux inquiétudes qui le torturaient. Il fallait le raisonner, mais non l'aider. Mais Xavier n'était plus en état d'écouter une parole sensée, de comprendre un avis, de retrouver la vérité et la lumière. Il ne songeait qu'à une chose, à sa dette. Déjà, il croyait voir, sur la haute glace du cercle, son nom tracé comme celui des insolvables, châtiment infligé à tout membre qui n'acquitte pas sa dette de jeu dans un bref délai. Il se disait que la marque du bourreau ne dépassait point cette flétrissure. Elle lui interdirait l'entrée de tous les cercles du high life. Il ne pourrait plus paraître dans un théâtre sans être montré au doigt. Ses amis les plus intimes feindraient dans la rue de ne point le reconnaître. Et, comme il croyait impossible de vivre sans aller au cercle et sans tutoyer les gommeux du boulevard, il s'abandonnait à une douleur folle et sentait de la haine contre tout ce que, jusqu'à cette heure, il avait aimé. La vie qu'il menait depuis 5 années lui avait enlevé la notion du juste et de l'injuste, une inextinguible soif de plaisir nouveau dont chacun laissait une déception et une blessure le dévorait. Pour lutter contre l'écœurement de distractions toujours semblables, de folies imbéciles, de fantaisies ruineuses, il dépensait son imagination à chercher de l'inédit dans les vieilleries du vice et du libertinage. Sans porter d'intérêt à l'amélioration des races chevalines, il faisait courir. Sans aimer la danse, il s'occupait de ballet. Sans s'intéresser aux arts, il achetait des tableaux. Sans goût pour le théâtre, il assistait à toutes les premières représentations. De même qu'il avait perdu le sentiment des grandes choses, il en dédaignait le langage. Les mots du club et du boulevard émaillaient sa conversation. Il cherchait l'esprit des mots, si tant est qu'il s'occupât encore de choses de l'esprit. La plupart du temps, il répétait les histoires lues le matin dans les petits journaux. Il ne faut pas croire, du reste, que la langue de ces messieurs du jockey soit d'une difficulté grande, ni que les appréciations qu'ils portent sur les choses se formulent dans des phrases arrondies. Leur jugement sur les livres, les pièces de théâtre, les formes, les attelages, se résume dans ces mots. Du chic ou pas de chic? Cela veut tout dire. On a du chic ou l'on en manque, tout est là. Celui qui n'a pas de chic, posséda-t-il les vertus théologales et les vertus cardinales unies au plus beau génie de l'humanité, ne compte pas. Maintenant, il serait difficile d'analyser ce que c'est que l'effet de grâce, d'élégance rendu par ce mot « chic ». Peut-être ne le savent-ils point eux-mêmes. Ce qui est certain, c'est que Cornélie, la mère des Gracques, vivant chez elle et filant de la laine, eût manqué de chic pour eux, s'ils eussent vécu de son temps. Que les madones, peintes par Raphaël, en sont également dépourvues. Que les discours de Bossuet, avec l'ampleur sonore de leur période, ne font point naître cette idée. Le plus grand éloge sérieux que l'on puisse faire d'un homme ou d'une chose est donc à Paris par opposition de trouver que le chic leur fait défaut. Peut-être ne sont-ils pas loin de penser que leurs sœurs et leurs mères l'ignorent, hélas, dans sa dégradation morale. Le plus jeune fils de M. Pomereul en arrivait à cette misère de faire des comparaisons offensantes pour les anges du foyer. Xavier restait plongé dans un morne abattement quand la porte de sa chambre s'ouvrit et Sabine entra. En l'apercevant, le jeune homme ne put réprimer un mouvement de contrariété. « Ne gronde pas, Xavier, » dit-elle d'une voix douce. « Je sais que tu n'as point voulu recevoir Sulpice, et j'ai forcé la consigne. Quelque indulgent et doux que se montre notre frère, sa robe noire t'a fait peur, tu as redouté ses conseils. Je ne viens pas t'en donner, ce n'est ni mon droit, ni mon rôle. Je ne sais point si tu as des torts graves à te reprocher. J'oublie même que je t'ai vu menacer notre père. C'était une démence. Je veux que tu retrouves le calme. » Que tu fasses la paix avec tous. Je ne veux pas que mes fiançailles s'attristent de tes regrets, car j'étais heureuse hier, oui, bien heureuse, avant que tes chagrins jetassent une ombre sur ma joie. Il te faut de l'argent, n'est-ce pas? Tiens, voilà ma bourse de jeune fille. Elle n'est pas bien lourde. Dame, tu comprends, les quêtes, les aumônes, enfin, il y a 2000 francs. Prends-les, tu me les rendras quand tu pourras, quand tu voudras. Merci, Sabine. Tu es la meilleure des sœurs, mais 2000 francs ne suffisent pas pour m'acquitter envers le comte de Montjoux. Cette somme ne me servirait à rien, il est donc inutile que je t'en prive. Mais ce n'est pas tout, reprit la jeune fille en plongeant sa main dans la poche de sa robe. Voilà mes bijoux, engage-les jusqu'au jour où tu auras recouvré l'argent qui te permettra de me les rendre. Xavier prit fiévreusement la poignée de collier, de boucles d'oreilles, de bagues que lui tendait sa sœur, et les soupesa, examina les perles et les pierreries qui les ornaient, avec l'attention d'un juif, puis, les jetant dans la robe de Sabine, « On m'en offrirait 10 000 francs à peine, mieux vaut que tu les gardes. »« Allons, » dit résolument Sabine en détachant le bracelet que la veille son père lui avait offert, « aux grands maux les grands remèdes. » « Engage ce bijou, Xavier. Ne le vends pas, il vient de notre mère. Je ferai un mensonge à papa, et il ne se doutera de rien. »« Tu mentiras mal, » dit Xavier. « C'est possible, » répliqua doucement la jeune fille. « Alors, je dirai tout simplement la vérité. Je serai grondée très fort pour le principe, mais notre père ne m'en voudra pas. Je t'aime tant, Xavier. Je souffre aujourd'hui plus que toi-même, crois-le bien. » Mais en agissant comme il fait, il croit te guérir, te sauver, te ramener à nous et te garder au foyer de la famille où tu viens si rarement. Il ne faut pas lui en vouloir, il agit pour ton bien. Peut-être se trompe-t-il, mais son intention est bonne. Tu m'avais promis de ne point m'adresser de reproches, Sabine. Je ne t'en fais pas. Je plaide ma cause, celle de Sulpice, celle de notre père. Nous souffrons tous de ton absence. Où que tu ailles, personne ne peut te chérir comme nous, crois-le bien. Donc, si tu gardes un peu d'affection pour ta sœur, accepte ce qui te rendrait le calme. Vends, engage ces bijoux, acquitte ta dette et promets-moi seulement de n'en plus faire. Tu es une chère créature du bon Dieu, Sabine, et je suis loin de te valoir. Conserve tes bijoux, mon enfant. J'ai 40 000 francs à payer dans la nuit. Ce que tu possèdes en représente la moitié. Ah, si j'avais ma dot, s'écria Sabine, avec quelle joie je la mettrais à ta disposition. Quand tu l'auras, ton mari en disposera. Lui, tu le connais bien peu. Bénédicte a déclaré qu'il me voulait pauvre, très pauvre, hein? C'est flatteur, cela. On ne trouve plus à notre époque beaucoup de jeunes gens qui prennent une femme pour ses beaux yeux. C'est encore plus niais que flatteur, ma pauvre enfant, et 2 années de ménage l'auront vite guérie de ces douces folies de générosité. Tu verras plus tard si je me trompe. Mais comment vas-tu t'acquitter avec ce monsieur de Montjou? Je n'en sais rien, fit Xavier. Mais il n'y a pas de milieu. Où je paie cette nuit, où je me brûle la cervelle demain, je ne vivrai pas déshonoré. Mourir, mourir, toi, et par un suicide, pour une dette de cette sorte, tu deviens fou, mon pauvre frère. Juger ces cas-là n'est point affaire de petite fille. Merci, ma chère enfant. Il me reste 12 heures devant moi. C'est plus qu'il ne me faut pour trouver peut-être une idée de salut. Tu la trouveras, n'est-ce pas? Oh, dis-moi que tu la trouveras. Je ne veux pas que tu te tues. Je ne le veux pas. Je la trouverai, dit Xavier avec impatience. Mais pour cela, il faut me laisser la chercher. Si par hasard j'avais besoin de toi pour ma combinaison, je te rappellerai tes offres. Laisse-moi, chère Sabine. J'ai besoin d'être seule. Je n'ai pas ma tête à moi en ce moment. Et il faut que je retrouve toute ma lucidité d'esprit. La jeune fille hésitait. La sécheresse de ton de son frère l'alarmait. Elle eût souhaité le voir touché de sa tendresse. Elle attendait un mot, un élan du cœur. Mais le cœur de Xavier était fermé, et le mot attendu ne passa point ses lèvres. La jeune fille reprit ses bijoux et sa bourse avec une sorte de honte. Elle allait gagner la porte de la chambre de Xavier, quand tout à coup celui-ci la rejoignit, embrassa rapidement son front et répéta « Tu es une bonne sœur, une angélique créature, Sabine. Jamais je n'oublierai combien tu as été affectueuse pour moi aujourd'hui. » Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille, et elle s'enfuit. Quand il se retrouva seul, Xavier rougit presque de cette lueur d'attendrissement. Il cacha son front dans ses mains, et, comme il l'avait dit, il chercha une idée. Le souvenir d'une parole de sa sœur lui revint. Si elle avait sa dot. Oui, mais, Bénédicte revint-il sur ses chevaleresques appréciations en matière de ménage, le mariage ne se célébrera pas avant 1 mois, et je ne puis pas attendre sa dot. Si je me mariais, mon père m'en compterait une aussi. Cet argent serait à moi, bien à moi. J'en disposerais à mon gré, sans doute, mais je dois rester libre. À quel chiffre s'élèvera la dot de Sabine? Il me semble que mon père a parlé de 500 000 francs. Oui, c'est cela, depuis notre majorité. Il nous compte à Sulpice et à moi 25 000 livres de rente. Le capital viendra plus tard. Donc Sabine aura un 500 000, et s'il est juste, mon père m'en doit autant. Le 1/5 de cette somme me sauverait. Je paierai mon joug, cet envieux idiot qui jalouse mes chevaux et mes succès. Je ferais acquitter les factures des fournisseurs récalcitrants et je garderais de l'argent de poche, 100 000 francs. Avec 100 000 francs et un peu de chance, je pourrais regagner tout ce que j'ai perdu. Xavier se mit à marcher dans sa chambre d'une façon saccadée. Savoir qu'ils sont là, dans cette maison, à 2 pas, et ne pas pouvoir y toucher. La rougeur lui monta au front pour la pensée qui venait de traverser son esprit, et il retomba sur son siège. Cependant, il ne lâcha sa point cette pensée odieuse, il essaya seulement de la masquer. « Eh bien quoi ? » reprit-il, « ne serait-ce point ce que les notaires appellent une avance d'hoirie ?» Xavier se dirigea vers sa bibliothèque et en tira un livre à tranches multicolores. Il le feuilleta péniblement, longuement. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait. « La loi comprend la question, » dit-il. « Il n'y a ni crime ni délit à emprunter de l'argent à son père, soit en faisant appel à son cœur, soit en ouvrant sa caisse. » Article 380. Les soustractions commises par les enfants au préjudice de leur père et mère ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. Je ne cours aucun risque. Mon père se fâche, me maudit peut-être. Mais les malédictions se retirent et les colères s'apaisent. D'ailleurs, je n'ai pas le choix des moyens. Xavier prit une résolution subite, irrévocable. Lui, tout à l'heure, si abattu, il se releva plein d'audace. Mais si avancé qu'il fût dans une voie fatale, ce qu'il allait faire lui paraissait, en dépit de ses propres sophismes, si audacieux et si coupable qu'il sentit le besoin de s'étourdir jusqu'au moment de la perpétration de son crime. Midi venait de sonner, il frappa sur son timbre. Baptiste parut et Xavier lui commanda de lui servir à déjeuner dans sa chambre et de prévenir son père qu'il ne descendrait pas ce matin à la salle à manger. « N'oubliez pas d'apporter de la chartreuse et de la fine champagne, » ajouta-t-il. Un quart d'heure après, il mangeait moins encore qu'il ne buvait. Son repas terminé, il alluma un cigare et fuma tout en absorbant plusieurs petits verres de liqueur. La journée se passa de la sorte. Il écrivit une lettre au comte de Montjoux pour s'excuser du retard involontaire et pour lui promettre de le payer dès le lendemain à la première heure. Il fit porter la lettre par son domestique et fuma encore jusqu'au moment du dîner. Ensuite, il chercha de nouveau du courage dans l'excitation nerveuse du cognac et de la chartreuse verte. De sa chambre, Xavier suivait anxieusement les divers bruits de l'intérieur. Dans cette maison paisible, où seul il apportait un élément de désordre, une grande régularité présidait aux moindres détails. M. Pomerol se couchait de bonne heure. Leur service fini, les domestiques gagnaient le dernier étage de l'hôtel. Afin de se trouver plus libre d'exercer à toutes les heures de la nuit son ministère de consolation et de charité, l'abbé Sulpice occupait une chambre meublée comme celle d'un moine et voisine de celle des serviteurs. De cette façon, on pouvait toujours venir le demander sans déranger sa famille. À 10h30, il n'y avait donc plus au premier étage qu'Antonin Pomerol et Sabine, plus Liplap qui couchait dans un cabinet faisant partie de l'appartement de son maître. Et quand on demandait au fabricant pourquoi il ne gardait point près de lui son fidèle Baptiste, « Bah, disait-il, je compte sur Liplap, son intelligence et son dévouement suffisent à ma sécurité. Aucun serviteur ne me serait plus fidèle, aucun gardien ne serait plus attentif au moindre bruit. » Les heures se traînèrent pour Xavier avec une lenteur mortelle. Il suivait d'un regard fiévreux les aiguilles de la pendule. Il ne voulait point franchir avant minuit le seuil de la chambre paternelle, dans la crainte que son père veillât en lisant quelques journaux. Mais quand les 12 coups tintèrent à l'horloge de boule, il vida son verre une dernière fois pour se donner du courage, et marchant pieds nus, il se dirigea vers la chambre de Pomerol. Il ouvrit la porte avec les plus grandes précautions et pénétra enfin dans l'appartement de son père sans avoir fait le moindre bruit. Le vieillard reposait, mais une pénible idée hantait sans doute son sommeil. Des ombres passaient sur sa physionomie d'habitude si sereine, et le nom de Xavier vint indistinctement à ses lèvres. Le fils coupable s'arrêta, saisi de terreur. Il crut que son père venait de le reconnaître. Non, Pomerol rêvait. Sous l'obsession des images qui se succédaient dans son sommeil, il fit un brusque mouvement qui, en dérangeant les oreillers, mit en lumière un petit trousseau de clés mignonnes parmi lesquelles se trouvait celle de sa caisse. L'hésitation de Xavier cessa subitement. Il saisit les clés et s'enfuit à pas de loup. Pomerol dormait toujours. Xavier laissa la porte entr'ouverte derrière lui et gagna le cabinet où se trouvait la caisse du négociant. Si son père ne lui avait jamais confié la clé du coffre-fort, il connaissait du moins le mot qui en donnait l'accès. Muni d'une petite lanterne d'appartement, il entra dans la pièce sombre où M. Pomereul gardait ses livres et ses valeurs. Dans la journée, Marc Mauduit, son secrétaire, avait été touché les 100 000 francs destinés à André Niçois. Jamais occasion ne fut plus favorable pour un fils descendant jusqu'au vol afin de satisfaire des goûts dispendieux et des passions honteuses. Xavier posa la lumière sur la table, choisit la clé, fit jouer le secret de la serrure et le coffre-fort s'ouvrit. Des liasses de billets de banque s'offrirent à ses regards. Alors, il se passa en lui un phénomène étrange. Au lieu de saisir avec avidité les valeurs qui devaient, croyait-il une minute auparavant, lui rendre le repos, au lieu de se souvenir de l'article du code sur lequel il s'appuyait pendant la journée, il se vit ce qu'il était réellement, un voleur. En face de l'or, des billets, il se jugea et se condamna. La honte lui monta par bouffées au visage, et comme il s'éloignait de la caisse ouverte avec un mouvement d'horreur, ses yeux se portèrent sur le portrait de sa mère suspendu au-dessus du coffre-fort. Il lui semblait que cette pure image lui reprochait son crime, qu'elle s'animait pour lui interdire de descendre plus bas qu'il n'était, et sous l'empire d'une terreur mêlée de remords, Xavier recula, recula encore, l'œil toujours fixé sur le visage de la morte qu'il croyait voir s'animer. Alors, pris d'une folle terreur, il cacha son visage dans ses mains et s'enfuit du cabinet, sans songer à refermer la porte de la caisse, sans arracher les clés du coffre-fort. « Demain, j'avouerai tout, » dit-il, « et quel qu'il soit, j'accepte le châtiment paternel. » Arrivé dans sa chambre, Xavier se jeta sur son lit, sans même ôter ses vêtements, et, brisé de honte, de repentir et d'effroi, se maudissant lui-même et s'accusant sans pitié, il fondit en larmes comme un enfant. Tandis qu'un remords tardif triomphait enfin de la perversité de Xavier, deux hommes sonnaient à la porte de Pomereul. Ils prononcèrent le nom de l'abbé Sulpice. Le concierge, encore endormi et ne se souvenant plus si son maître était rentré, les laissa monter sans leur demander un nom. Au lieu de se rendre au troisième étage, les deux hommes dans lesquels il était facile de reconnaître Rat de Cave et Fleur d'Échafaud s'arrêtèrent au premier. Fleur d'Échafaud ouvrit la porte avec une dextérité au moins singulière, puis les deux bandits la refermèrent derrière eux. « Je le disais bien, » dit Fleur d'Échafaud, « personne. Nous voilà maîtres de Séan. Tâchons de faire proprement la chose. » Visitons d'abord le cabinet de travail de Pomereul. Nous verrons ensuite de quelle manière nous devrons opérer. » En un instant, Rat de Cave promena la lumière de sa lanterne sourde sur toutes les parties de la pièce. Quand elle tomba sur la caisse de fer et qu'il la vit entr'ouverte, il s'écria « Nous sommes volés. Quelqu'un est venu ici avant nous. Explorons toujours, » dit Fleur d'Échafaud. Les deux voleurs s'agenouillèrent et plongèrent les mains dans le coffre de fer. « Que me racontais-tu ? » dit au bout d'un instant le secrétaire du négociant. « Tout y est, billets et valeurs, personne n'est venu. Seulement le patron, prévoyant sans doute notre visite, aura eu l'amabilité de laisser son coffre-fort ouvert pour nous éviter la peine d'aller lui en demander la clé. On n'est pas plus aimable, et te voilà rassuré, mon vieux Rat de Cave. Tout se passera en douceur. » « Parlons moins et agissons vite. Avec tes bavardages, tu vas réveiller toute la maison. »« Tu as raison, » répliqua Fleur d'Échafaud. « Pressons-nous, mais ne touche pas aux valeurs. Ça ne sert qu'à compromettre. Fourrons les billets dans nos poches et filons. » Rat de Cave et Fleur d'Échafaud saisirent les liasses de fin papier bleu et embourrèrent les vastes poches de leurs paletots. Ils avaient presque fini leur besogne quand un bruit léger leur fit tourner la tête. Tous deux à la fois étouffèrent un cri de stupeur. Monsieur Pomereul, à peine enveloppé dans sa robe de chambre, venait d'entrer dans son cabinet de travail. Au moment où Xavier, emporté par l'âpre désir de se procurer de l'argent à tout prix, même au prix d'un crime, pénétra dans la chambre de son père, celui-ci dormait d'un sommeil agité, voisin du cauchemar. Il avait dans son rêve l'intuition d'un danger. Menacé par des ennemis inconnus, il se défendait, se débattait. Une agression terrible lui causa un tel ébranlement que M. Pomereul s'éveilla tout à coup, hagard, le front mouillé de sueur, les membres agités d'un tremblement nerveux. Il resta quelque temps incapable de ressaisir ses idées, confondant la réalité des scènes de la veille avec les scènes que venait de lui présenter son rêve. Le nom de Xavier vint malgré lui sur ses lèvres, et un serrement de cœur lui prouva soudain que son mal n'avait point d'autre origine que les fautes, les dures paroles, les menaces de celui-ci. Les yeux de Pomereul se fixèrent machinalement sur la porte de sa chambre. Elle était entrebâillée, et il se souvenait parfaitement de l'avoir fermée en rentrant chez lui. La pensée que quelqu'un avait pénétré dans sa chambre pendant son sommeil lui traversa le cerveau. Qui pouvait être venu ? Sulpice ? Il avait annoncé à son père qu'une course indispensable le conduirait à la Villette et qu'il rentrerait fort tard. Sabine ? Mais jamais Sabine ne venait le soir chez son père. Elle dormait depuis longtemps. Monsieur Pomereul avait un à un distingué le bruit des pas légers de la jeune fille, rangeant autour d'elle de menus objets. Puis tout s'était éteint pour la prière et pour le sommeil. Xavier ? Si c'était Xavier. Cette idée et l'angoisse profonde qui en fut la suite porta instinctivement M. Pomereul à fouiller sous le traversin où d'ordinaire il cachait ses clés. Il ne les trouva pas. Il bouleversa les oreillers et les draps. Rien. « Le misérable » murmura-t-il. « Il m'a volé !» Pomereul sauta à bas de son lit, passa à la hâte sa robe de chambre et sans prendre une lumière qui l'aurait trahi, il se dirigea à petits pas vers son cabinet de travail. La porte en était ouverte. Pomereul avança la tête et vit un homme agenouillé, occupé à vider sa caisse. Plus de doute, c'était Xavier. Plein d'une juste colère, Pomereul marche rapidement et dans sa hâte, mal guidé du reste par la faible lumière de la lanterne de Radecave, il renverse un guéridon. Ce fut à ce moment que les bandits se retournèrent, à ce moment aussi que Pomereul put voir leur visage et comprendre qu'il avait affaire à des malfaiteurs. D'un regard, Radecave et Fleur d'Échafaud s'entendirent. Il s'agissait avant tout d'empêcher Pomereul d'appeler au secours. Radecave s'élança sur le négociant et enlaça ses doigts osseux autour du cou du malheureux Pomereul. Un râle étranglé s'échappa de la gorge du vieillard. Ses bras battaient l'air, ses yeux roulaient sanglants dans leurs orbites. Il rassembla cependant son énergie et par un effort désespéré, il allait parvenir à se débarrasser de l'étreinte de Radecave quand celui-ci, lui faisant subitement perdre pied, le renversa, pantelant, sur le sol. Tout à coup, un secours providentiel arriva à Pomereul. On entendit vibrer dans la pièce obscure à demi un cri guttural et un être dont il fut impossible à Radecave et à son complice de définir la nature se précipita sur Fleur d'Échafaud au moment où celui-ci allait se joindre à Radecave pour en finir avec sa victime. C'était le fidèle Liplap qui, entendant Pomereul quitter sa chambre à une heure inusitée, s'était senti inquiet et l'avait suivi, jugeant avec son instinct merveilleux que le négociant allait avoir besoin de lui. D'un bond, dont la force nerveuse suffit pour faire presque entièrement lâcher prise à Radecave, le chimpanzé se jeta sur l'assassin, enlaçant ses jambes de ses jambes velues et de ses longs bras paralysant ses mains. « Ah, le diable s'en mêle !» hurla Radecave. Fleur d'Échafaud tourna le foyer de lumière de la lanterne du côté de son compagnon. « Misère !» dit-il. « C'est le singe, je m'en charge. Achève le vieux, c'est le plus pressé !» Si court qu'eût été le moment pendant lequel Pomereul s'était senti à moitié dégagé, il avait suffi pour que le fabricant retrouvât le souffle et rassemblât ses forces expirantes. tandis que Fleur d'Échafaud s'apprêtait à lutter de ruse, sinon de puissance musculaire avec Liplap, Rat de Cave sentait lui échapper sa proie. Mais Fleur d'Échafaud, tirant de son sein un poignard triangulaire, en frappa le chimpanzé à l'épaule et détourna sur lui la colère et la vengeance du singe. Liplap se cramponna d'une main à la chevelure rouge de Fleur d'Échafaud, et l'esprit d'imitation s'emparant de lui avec violence, il serra de l'autre la gorge du bandit. Fleur d'Échafaud allait mourir comme Pomerol que Rat de Cave venait de terrasser de nouveau, quand le jeune misérable porta en pleine poitrine un second coup de son arme terrible à Liplap, qui lâcha prise et tomba sur le sol de toute sa hauteur en poussant un rugissement plaintif. « C'est fini pour un !» dit Fleur d'Échafaud. « Le vieux est mort !» ajouta Rat de Cave. « Vite, des talons !» conclut Fleur d'Échafaud. « Mais t'avis que pour demain, nous avons taillé de la besogne aux journaux !» Puis, se défiant de Rat de Cave et craignant que celui-ci eût pris l'agonie pour la mort, le jeune homme se pencha sur le cadavre et en interrogea le cœur sans pulsation. « Enlevez !» fit-il. « Enterrement de première classe !» Comme secrétaire intime, je suivrai le convoi. » Les assassins relevèrent très haut le collet de leurs vêtements, rabattirent leurs chapeaux à grands bords sur leurs visages, éteignirent la lanterne sourde, sortirent et s'apprêtèrent à descendre tranquillement. Le bruit que faisait en se fermant la porte cochère leur fit dresser l'oreille. Quelqu'un rentrait. Un pas régulier résonna sur les dalles de marbre noir et blanc du vestibule. Rat de Cave et Fleur d'Échafaud eurent une même pensée. « Nous sommes perdus !»